Bonsoir et bienvenue à Mandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le Guérilla. Alors, pour la section francophone ce soir, nous avons parmi nous Lydia Attrouche. Elle est responsable au comité scientifique du Centre internationaliste Stanley Ryerson et de sa fondation Aubin. Elle a entre autres mené une étude sur l'aide publique au développement dans le champ de la coopération internationale et particulièrement Lydia Attrouche a interrogé les enjeux que soulève la notion d'efficacité à laquelle se souscrit l'aide publique au développement via la Déclaration de Paris. Alors bonsoir Lydia. Bonsoir. Merci de me recevoir ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Pour mieux situer les auditeurs et auditrices, est-ce que c'est possible d'abord de nous expliquer ce qui a suscité votre intérêt à étudier les questions de l'aide publique au développement et de son efficacité? Oui, donc les questions de pouvoir sont au cœur du politique et de la science politique, discipline dans laquelle j'ai poursuivi mes études. Donc, puisque c'est au cœur des rapports entre les États, notamment à travers la coopération internationale, j'ai voulu questionner certaines évidences, notamment dans le domaine de l'aide au développement. Donc, j'ai voulu décrypter le discours actuel, un discours qui est trop souvent présenté d'une façon très technique et mécaniste, donc très dépolitisant, alors qu'il n'y a rien de plus politique que le rapport entre le bailleur et l'État récipiendaire. D'ailleurs, cette tendance de l'idéologie gestionnaire et managériale n'est pas spécifique à l'aide au développement. Elle s'est répandue un peu partout dans la sphère publique, autant au niveau national qu'international, aussi au niveau de l'éducation qu'on voit présentement au Québec, la santé, du secteur du travail, où on parle désormais beaucoup d'efficacité, d'optimisation, de rendement, d'indicateurs de performance, etc. Donc aussi, pour ce qui est de la Déclaration de Paris, il y a eu un grand battage médiatique au cours de la décennie 2000 autour de la question de l'amélioration de l'efficacité de l'aide, thème qui a donné lieu à plusieurs rencontres internationales, donc culminé avec la Déclaration de Paris en 2005. Donc je me suis donc spécifiquement attachée à cette déclaration. Est-ce que c'est possible aussi pour nous mettre dans le bain, expliquer ou brosser un tableau, une généalogie de l'aide publique au développement? Oui, donc pour brosser un bref portrait, l'aide au développement et son système dans leur forme actuelle existent depuis une soixantaine d'années, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide naissant. Donc avec le plan Marshall, les États-Unis veulent endiguer l'expansion du communisme et assurer leur hégémonie sur le commerce mondial afin que ces mêmes territoires servent de débouché à leurs produits de consommation. Donc, l'aide au développement prend véritablement son essor au cours des années 60 avec la vague de décolonisation et l'intensification de la guerre froide où les économies européennes fraîchement rétablies cherchent impérativement à assurer la pérennité de leur influence dans leurs anciennes colonies. Donc, dès ses débuts, l'aide au développement est motivée par des considérations qui sont d'ordre géopolitique, géostratégique, idéologique et commercial. Elle est façonnée et sert plusieurs intérêts divergents, même voire contradictoires, au sein d'un bailleur et entre la communauté des bailleurs du développement. Souvent, les États ont des impératifs d'ordre idéologique, commerciaux, ainsi de suite. Donc, déjà, au sein d'un bailleur, il y a plusieurs intérêts divergents et anti-bailleurs. On peut s'imaginer que ça devient souvent très, très compliqué à gérer. Donc, il faut préciser aussi qu'il faut distinguer l'aide au développement de l'aide publique. De l'aide publique au développement. Donc, le comité d'aide publique au développement de l'OCDE, le CAD, définit l'aide publique au développement comme étant des dons ou des prêts qui ont pour objectif le développement. Ils sont consentis à des taux inférieurs et des conditions plus favorables que ceux du marché, ceux qu'on trouve sur le marché. Donc, par les agences de développement qui sont membres du CAD de l'OCDE et aux pays au développement ou organisations multilatérales qui figurent sur une liste prédéfini aussi par le cadre d'OCDE. Donc, c'est une aide qu'on dit aide, mais finalement, elle est génératrice de dettes parce que ça englobe aussi des prêts. Contrairement à l'aide au développement qui est octroyée par les ONG ou les soi-disant ONG, les fondations privées, les firmes transnationales, etc., l'aide est le fait particulier d'organismes gouvernementaux et intergouvernementaux comme l'ACDI pour le Canada, l'USAID des États-Unis, le DFID pour le Royaume-Uni, ainsi de suite, et les banques de développement comme la Banque mondiale. J'aimerais aussi préciser un point de la définition de l'ECDS sur ce qui peut être admis comme de l'aide publique au développement. Donc, il suffit que le but de l'intervention du bailleur à poursuivre des objectifs de développement soit énoncé, autrement dit, l'intention du bailleur pour que certaines activités soient comptabilisées comme de l'aide publique au développement. D'ailleurs, à ce jour, on ne s'entend toujours pas sur une définition de développement, une définition commune de développement. Donc, vraiment, c'est l'intention, c'est l'objectif du bailleur qui définit ce qui est comptabilisé comme de l'aide, ce qui est quand même assez surprenant. Oui, c'est une définition très large. Puis, on comprend que l'aide au développement, l'aide publique au développement est un instrument qui est hautement politique, qui sert des intérêts. Dans ce sens-là, est-ce que c'est possible d'expliciter la mouvance de la communauté du développement là, dans les années 90 pour comprendre votre point sur l'efficacité ou cette notion d'efficacité d'aide au développement? Oui, tout à fait. Juste avant d'arriver aux années 90, il faut souligner que l'aide au développement est intimement liée au modèle et aux stratégies de développement. Oui. Il faut rappeler aussi que la crise de l'endettement de la décennie 80 qui précède celle 90, qui est quand même un moment quand même assez charnière dans l'histoire du développement. Donc, il faut rappeler que cette crise de l'endettement de la décennie 80 dans les pays du Sud modifie radicalement la réflexion sur les politiques de développement et par le fait même la conception des stratégies de l'aide au développement, du rôle et des fonctions imparties à l'État, du marché, etc. Donc, l'objectif principal de l'aide publique au développement des années 80 est dans un premier temps, d'assister les pays du Sud à la mise en application des politiques de stabilisation prodiguées par le Fonds monétaire international, particulièrement, pour résoudre les problèmes de balance de paiement. L'aide sert en partie à refinancer la dette des pays du Sud pour empêcher une débâcle du système financier international et par extension le risque d'une crise financière dans les États du Nord, donc un risque de contagion, en faisant en sorte que les pays débiteurs du Sud continuent d'assurer le paiement du service de la dette aux banques occidentales créditrices. Donc, en premier lieu, c'était d'éviter une crise mondiale. Les institutions de Bretton Woods soumettent les États du Sud à une cure d'amaigrissement, donc on restreint le rôle de l'État, et d'austérité comme condition à un refinancement de leurs dettes et leur impose une série de mesures structurelles, donc de privatisation, dérégulation et libéralisation, connues sous le vocable du consensus de Washington. De leur côté, les bailleurs bilatéraux emboîtent le pas et conditionnent leur aide à l'adoption de ces mêmes politiques structurelles. Donc, il y a vraiment des deux côtés. À la fin des années 80, au début des années 90, les bailleurs se rendent compte que ces programme de réforme néolibérale ne produit pas complètement les effets escomptés. Donc, en plus d'induire d'autres problèmes, notamment un creusement des inégalités, l'aggravation des indices de pauvreté, la dette qui grossit de plus en plus, finalement, à un point tel que la décennie 80 est tristement dénommée la décennie perdue du développement. Sans remettre en question les politiques prodiguées, les bailleurs accusent l'État du Sud de mauvaise gouvernance à la fin des années 80, début des années 90. Et s'en est suivi, en plus du consensus de Washington, toute une série de conditionnalités d'ordre politico-institutionnel connues sous le terme de réforme de bonne gouvernance. Donc, parallèlement, les impératifs géopolitiques, géostratégiques invoqués par la guerre froide, désormais obsolescents, entraînent une diminution substantielle des ressources allouées à l'aide publique au développement. Les niveaux les plus bas sont atteints au cours des années 90, ce que certains ont dénommé un syndrome de fatigue de l'aide, donc les bailleurs ont atteint 0,35% de leur revenu national brut, alors que les Nations Unies appelaient les pays dits développés à octroyer 1% du revenu national brut pour sortir le dit tiers monde de la pauvreté, qui a d'ailleurs été revu à la baisse en 1969 pour un 0,7%, toujours pas atteint à ce jour, rappelons-le. Aussi, plusieurs crises économico-financières éclatent aux quatre coins de la planète au cours des années 90, donc mentionnant la Turquie, la Russie, les pays d'Asie du Sud-Est, l'Argentine et j'en passe. Donc, cette nouvelle conjoncture laisse place à l'idée d'une aide plus efficace et plus sélective. Il y a aussi plusieurs critiques face aux programmes d'ajustement structurel qui sont appliqués depuis maintenant une trentaine d'années, ainsi que leur impact socio-économique et politique désastreux. Il y a plusieurs initiatives en compte de la communauté du développement sont lancées au cours du début du millénaire pour faire face à cette crise de légitimité de l'aide publique au développement et des politiques qu'elle appuie, qu'elle promeut. Donc, les objectifs du développement du millénaire, l'initiative pour les pays pauvres très endettés, l'initiative PPTE, mieux connue, le consensus de Monterrey sur le financement du développement, la déclaration de Rome sur la harmonisation et la rencontre, les rencontres de Marrakech sur la gestion axée sur les résultats, excusez-moi, et finalement pour culminer avec la déclaration de Paris sur l'amélioration d'efficacité de l'aide en 2005. D'accord. Donc ici, on arrive à la déclaration de Paris qui prétend améliorer la qualité et l'efficacité de l'aide au développement. Donc, est-ce que c'est possible de développer sur cette dimension-là? Oui, effectivement. Donc, essentiellement, les bailleurs et certains techniciens du développement ont ciblé certains problèmes qui, selon eux, rendent l'aide inefficace. Donc, pour en nommer quelques-uns, citons par exemple la prolifération des nouveaux bailleurs non membres du cadre de CDE. Ça, c'est un euphémisme pour dire, pour dénommer la Chine, l'Inde, tous ces pays émergents qui de plus en plus se retrouvent sur la scène internationale en train d'octroyer de l'aide, mais de l'aide qui ne répond pas aux conditionnalités des bailleurs dits traditionnels, donc des conditionnalités du consensus de Washington et maintenant du post-consensus de Washington. Donc, toutes ces conditionnalités politiques de bonne gouvernance, ainsi de suite. Il s'y soustrait, donc il n'emboîte pas le pas des pays membres de l'OCDE. Comme autre problème, les différents canaux d'acheminement de l'aide, l'absence de coordination des interventions des bailleurs, la mise en place de systèmes par ces mêmes bailleurs pour acheminer cette aide, la capacité d'absorption de l'aide, la performance de l'aide, la fongibilité de l'aide. Bref, toutes sortes de problèmes qui peuvent être considérés comme des faux problèmes. Puis à ces faux problèmes, on a trouvé de fausses solutions. En tout cas, du moins, c'est ce que j'en pense, c'est ce que plusieurs aussi en pensent qui ont regardé de façon critique cette déclaration. Donc, la déclaration de Paris prétend pouvoir améliorer l'efficacité avec 5 principes. Donc, l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle. À ces principes, la déclaration a défini 56 engagements et 12 indicateurs de performance qui ont été évalués tout récemment durant la rencontre. Donc, le bilan a été dressé à Busan, en Corée du Sud, en 2011. Donc, il faut souligner que la Déclaration de Paris est la résultante de plusieurs années d'élaboration en marge du système onusien. Excusez-moi. Même le Conseil économique et social des Nations unies avait entrepris une réflexion à travers le Forum de la coopération en matière de développement, mais bon, elle a été pas mal écartée de ce processus. La Déclaration de Paris est essentiellement une entreprise des bailleurs, donc du cadre de l'OCDE et de la Banque mondiale. Donc, quels enjeux ça soulève, cette déclaration de Paris et son architecture? Oui, donc, à travers les 5 précédents que je vous ai préalablement mentionnés, donc l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, on veut répondre à certains problèmes qu'on a ciblés tout à l'heure, qu'ils ont ciblés tout à l'heure. Et on veut régler ces problèmes-là à travers des bonnes pratiques et des principes qui sont, comme je l'avais dit aussi, définis au sein du cadre de l'OCDE et des banques de développement, des différentes banques de développement. On prétend que c'est entre bailleurs et récipiendaires, mais dans la Déclaration de Paris, on les appelle les partenaires. Donc, ils pensent que dans ce rapport, que moi je trouve un rapport asymétrique et inégalitaire entre bailleurs et récipiendaires, les États, ils sont comme connus comme partenaires, mais on occulte le rapport de force qui existe entre le bailleur et le récipiendaire. Il ressort essentiellement de ces principes qui s'articulent entre eux. D'une part, l'essentiel des engagements des bailleurs est conditionnel à la mise en place par le récipiendaire d'un nombre incalculable de réformes dans le cadre du post-consensus de Washington. Dans la perspective d'améliorer l'efficacité, l'attribution d'une aide efficace doit être précédée d'institutions et de politiques au préalable mises en place par le récipiendaire qui correspond aux attentes du bailleur. Donc, pour ce qui est de l'appropriation, donc c'est écrit dans la Déclaration de Paris, notamment on mentionne qu'il faut que le pays définisse lui-même ses propres politiques et son propre modèle de développement. Ensuite, que le bailleur va pouvoir s'aligner, donc il y a l'autre principe, sur ces mêmes modèles. Mais au final, tout est prédéfini. On soumet cet alignement des bailleurs sur les politiques du récipiendaire, mais au préalable, il faut que le récipiendaire souscrit déjà au desiderata des bailleurs, chose qui est écrite en très, très petit ou qu'il faut fouiller un peu plus loin dans les bonnes pratiques. Donc, Plusieurs organismes de la société civile ont souscrit à cette initiative-là. On dit oui, enfin, on nous écoute, c'est une très bonne idée. L'appropriation, depuis des années qu'on le demandait, le pays doit s'approprier ses propres politiques, mais visiblement, quand on s'approprie une politique, c'est qu'on ne l'a pas définie. Donc, on ne choisit pas le véhicule de son propre modèle de développement, on ne fait que adopter les politiques déjà préalablement définies par le bailleur, puis ensuite pour que le bailleur s'aligne. Donc, ça a été, ce sont des politiques qui sont tronquées. Donc, on comprend qu'il y a des conditionnalités qui sont, qu'on peut appeler des politiques préalables aux mesures de partenariat qui sont véhiculées par la Déclaration de Paris. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences politiques qu'on peut observer sur le caractère de l'État et puis même la nature des rapports sociaux qui en découlent? En fait, c'est ça. Avec la Déclaration de Paris, les conditionnalités explosent. Donc, plusieurs des cadres d'évaluation sont arrivés à des orientations, des instruments, des matrices qui étaient initialement prévues par les institutions financières pour ces États débiteurs, notamment l'initiative PPTE. Donc, il y avait ces pays-là qui sont les initiatives pour les pays pauvres très endettés. Il y avait beaucoup plus de conditionnalité parce que c'était des États très endettés. Mais avec la Déclaration de Paris, on reprend ces mêmes matrices, ces mêmes orientations et instruments, et on les applique à tous les pays. Donc, dans les faits, on généralise les conditionnalités, donc le nombre de pays à qui ne devaient pas mettre en œuvre ce type de conditionnalité devront le faire à travers cette Déclaration de Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on réduit considérablement la marge de manœuvre des États à choisir leur propre voie de développement. Donc, du coup, déjà, la marge de manœuvre, elle était déjà bien limitée. Avec la Déclaration de Paris et son nombre incalculable de conditionnalités, elle ne peut absolument rien choisir. Elle doit absolument faire avaliser tous ces programmes, autant sociaux, autant politiques, autant la réforme de ses institutions, ses finances publiques, aux bailleurs. On a peine de se demander si un État est vraiment un État, s'il n'est pas souverain, mais avec les déclarations de Paris, tout ça rend caduque. Et elle se fait aussi le contrôle des bailleurs sur ses politiques, notamment sur son budget national, si, par exemple, un bailleur veut octroyer une aide dite budgétaire, parce que ça fait partie des dispositions de la Déclaration de Paris. Donc, si le bailleur trouve que l'État répond à ses desiderata, donc, du coup, il peut octroyer une aide budgétaire, mais il faut que cet État souscrive en premier à ces conditions-là. Donc, ça réduit énormément la marge de manœuvre de l'État. Ensuite, tout plein de choses. Est-ce qu'on a le temps de... Donc, oui, on comprend que ici, c'est une manière de soumettre les priorités de l'aide au développement aux intérêts de l'un, qui serait le bailleur, davantage que sur la nécessité de proposer un modèle de développement qui soit propre aux particularités de celui qui normalement qu'on peut appeler le récipiendaire ou qui recevrait une certaine aide. Si on se tourne vers l'avenir ou sur d'autres perspectives, quels principes qui seraient à mieux de définir les rapports politiques qui entourent une forme de coopération ou de solidarité internationale? En tout cas, c'est sûrement pas à travers ce type d'initiative. Ce sont que des initiatives assez cosmétiques pour camoufler la structure même internationale inégalitaire qui prévaut présentement. Donc, du coup, changer la façon dont on octroie l'aide ne changera absolument rien si on ne change pas la dynamique internationale et la structure internationale hautement inégalitaire. Si un État ne peut choisir et poursuivre son propre modèle de développement, et notamment comme l'ont fait certains pays scandinaves il y a plusieurs années, à supporter des États à travers un développement autocentré, visiblement ce type d'initiative sera toujours... vous savez, dans le monde de l'aide publique au développement, on refait des modes, on relance des nouvelles déclarations, et présentement on est à la fin des objectifs du développement du millénaire, donc on prépare le poste 2015, donc date butoir des objectifs de développement du millénaire. Et probablement qu'après ces années-là, on va sortir d'autres initiatives comme celle de la Déclaration de Paris qui a pas mal pris fin à Busan où la Chine, l'Inde ne se sont pas joints aux membres de l'OCDE et ça a donné une déclaration qui est un peu molle et non contraignante pour personne. Donc du coup, on peut s'attendre à, si la structure ne change pas, d'autres initiatives comme ça qui vont perpétuer le post-consensus de Washington et le maintien des pays dits du Nord à imposer leur domination sur celle du Sud. Oui, on comprend on comprend que pour questionner ce qu'est l'aide au développement actuellement, il faut aussi l'inscrire dans une vision plus globale du système économique et ou du système politique dans lequel elle s'inscrit. J'aimerais demander pour terminer si les auditeurs, auditrices aimeraient poursuivre en profondeur. Est-ce que vous avez des recommandations, des sources où aller? La littérature foisonne dans ce domaine. Par contre, il faut être vigilant. Il y en a plusieurs qui ont emboîté le pas, qui ne voient pas les subterfuges de ce type de déclaration et des documents sous-jacents. Mais il y a beaucoup quand même de travaux critiques qui se font, notamment à travers les travaux du CETIM à Genève. Ils ont fait notamment avec Yash Tandon, Samir Amin en préface, sous la direction de Florian Rocha. Donc, sur l'aide qui on démystifie l'aide publique au développement dans le cadre actuel, dans le système actuel, et la Déclaration de Paris un peu moins, mais quand même. Donc, je pourrais faire ce type de suggestions qui sont des ouvrages assez critiques sur ce type d'initiative. Merci beaucoup. Lydia Attrouche était avec nous. Elle a discuté des questions de l'aide publique au développement et de son efficacité. Je vous rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le GRILA, diffusée à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Restez avec nous pour le segment anglophone qui arrive sous peu. Osalina non amotema. Osalika kanesika ebetisaka ngo. Liwa eponi motote, la vie ezali libonza, tika kolela lelaka. Talanga yoyo moto na lingaka yoro, na ye ye ye ye ye ngo, na ye bolingo, na panguisa yoma ina miso. Bolingo langa ye, bolingo langa, ye ye ye ye. Bako kiko ebisa yona bato, teba mona kingala mutu. Ebonga kio tunangala pesa e anororong, omi kabina mabanzoro, okomi okondo nzoto pamba pamba. Ngamo balina yo, yo eteni nanga, obombe lingali kambo, lizwi yo, namo temara, namo temara. Sukela ninga bolingo, kalani akomi okende, botuna nina yere, tina nini akumbi bisaka, abayaya. Motindo kanibako vana kana moninga, ayeyeye, nafandane. Mobeko kanina simba, ebatela bolingo, na simbango, yeye wana, yeye joli, yeye bibi, Amazone, Maria Rosa, Mama Nela, Mama Vivi, Mama Norfe, ukotungi saka motolo kolangai, na pesa kanyo soba pesa kayoyo, oh, oh, oh. Na pokwa peme na bolingo langai, Mama Juju. And good evening and welcome back to Amandla here on CKUT 90.3 FM in Montreal, CKUT.ca around the world. And I'm sitting across the table from